La Bible David Martin 1744. Premier livre de Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathagim Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, le nom duquel était Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsuphéphratien, qui avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Or cet homme-là montait tous les ans, de sa ville pour adorer l'Éternel des armées, et lui sacrifiait à Silo, et là étaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il donnait des portions à Pénina sa femme, et à tous les fils et filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion honorable, car il aimait Anne, mais l'Éternel l'avait rendue stérile. Et Pénina qui lui portait envie, la piquait, même fort aigrement, car elle faisait un grand bruit de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Elkana faisait donc ainsi tous les ans. Mais quand Anne montait en la maison de l'Éternel, Pénina la chagrinait en cette même manière, et Anne pleurait, et ne mangeait point. Et Elkana son mari lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu, et pourquoi ne manges-tu point, et pourquoi ton cœur est-il triste? Ne te vaux-je pas mieux que 10 fils ?» Et Anne se leva, après avoir mangé et bu à Silo, et Élie le sacrificateur, était assis sur un siège auprès d'un des poteaux du tabernacle de l'Éternel. Elle donc ayant le cœur plein d'amertume, pria l'Éternel en pleurant abondamment. Et elle fit un vœu, en disant, « Éternel des armées, si tu regardes attentivement l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. » Et il arriva comme elle continuait de faire sa prière devant l'Éternel, qu'Élie prenait garde à sa bouche. Or Anne parlait en son cœur, elle ne faisait que remuer ses lèvres, et on n'entendait point sa voix, c'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre, va reposer ton vin. » Mais Anne répondit, et dit, « Je ne suis point ivre, mon Seigneur, je suis une femme affligée d'esprit, je n'ai bu ni vin ni cervoise, mais j'ai épandu mon âme devant l'Éternel. Ne mets point ta servante au rang d'une femme qui ne vaille rien, car c'est dans la grandeur de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. » Alors Élie répondit, et dit, « Va en paix, et le Dieu d'Israël te veuille accorder la demande que tu lui as faite. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce devant tes yeux. » Puis cette femme s'en alla son chemin, et elle mangea, et son visage ne fut plus tel qu'auparavant. Après cela ils se levèrent de bon matin, et se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils s'en retournèrent, et vinrent en leur maison à Rama. Et Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Il arriva donc quelque temps après, qu'Anne conçut, et qu'elle enfanta un fils, et elle le nomma Samuel, parce, dit-elle, que je l'ai demandé à l'Éternel. Puis Elkana son mari monta avec toute sa maison, pour offrir à l'Éternel le sacrifice solennel et son vœu. Mais Anne n'y monta pas, car elle dit à son mari, « Je n'y irai point jusqu'à ce que le petit enfant soit sevré, et alors je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, et qu'il demeure toujours là. » Et Elkana son mari lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, demeure jusqu'à ce que tu l'aies sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » Ainsi cette femme demeura, et allait à son fils, jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Et sitôt qu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et ayant pris 3 veaux, et un épha de farine, et un baril de vin, elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo, et l'enfant était fort petit. Puis ils égorgèrent un veau, et ils amenèrent l'enfant à Élie. Et elle dit, « Hélas, mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait en ta présence pour prier l'Éternel. J'ai prié pour avoir cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. C'est pourquoi je l'ai prêté à l'Éternel, il sera prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Et il se prosterna là devant l'Éternel.